place pour ton mal, pour mon bien. Mais l'air de tes peurs, posséder tes humeurs, refuser toutes les mains qui se tendent pour mon bien. Suis-je assez fort pour que tu fasses une exception? Suis-je la terreur qui provoquera ta reddition? Terreur qui provoque.